En Corée du Sud, la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques a livré le 19 courant à Séoul une lutte anti-gouvernementale de grande envergure pour la victoire dans la grève générale. La lutte a commencé par le rassemblement pour la victoire dans la grève générale réunissant plus de 9000 syndiqués des chemins de fer. Le syndicat des cheminots y a déclaré livrer la grève générale s'inédier. Ensuite, a eu lieu le rassemblement d'envergure de la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques pour l'abolition de la loi du travail vicieuse contre le régime de retraite, la corruption, l'illégalité, la démission du pouvoir meurtrier et pour la victoire dans la grève générale de la solidarité de frais. Y ont pris part plus de 20 000 syndiqués de la Confédération, y compris ceux des chemins de fer. Après le rassemblement, les participants ont descendu dans la rue.